Les journaux, radios, agences de presse et en pages d'Internet de divers pays comme Russie, Chine, Japon, Bulgarie, Pologne, Allemagne et États-Unis ont rapporté le 7 la déclaration du porte-parole du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. Le sophisme des États-Unis et des autorités sud-coréennes sur la dénucléarisation du Nord ne fait que compliquer la dénucléarisation de la péninsule coréenne.